Mais avant. Oui, avant. La bof nouvelle du jour, Antoine, quelle est-elle ? La bof nouvelle du jour, elle nous vient du journal Le Parisien. Et yes. La bof nouvelle du jour, c'est Christophe qui s'est fait tatouer l'emblème de la vache qui rit sur le biceps. Alors, Christophe est nommé vraiment très sommairement Christophe. Peut-être que c'est un collaborateur du journal que tout le monde connaît. Et, du coup, on n'a pas vraiment pris le temps de lui donner un nom de famille. Je vous lis un petit peu l'extrait du journal qui s'intitule « La marque fromagère, avec son logo si caractéristique, attire des collectionneurs. Certains vont même jusqu'à s'en faire un tatouage. » Donc la vache qui rit pour... Celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une marque de fromage qu'on mange un petit peu à l'apéritif et qu'on peut tartiner éventuellement. C'est du fromage fondu. En fait, c'est un mélange de croûtes d'anciens fromages qui n'ont pas été utilisés pour des fromages qui coûtent cher et qui sont fondus ensemble. Oui. Voilà. Donc, Christophe... Faut pas manger ça. Voilà. Christophe s'est fait tatouer cet emblème sur son biceps. Et puis, on peut remarquer à son biceps que la vache qui rit n'a pas de couleur. Et il commente ça en disant « Il manque les couleurs, mais le tatoueur me l'a déconseillé, car il y avait des risques que le rouge vire au rose. » Quel dommage. Voilà. Et n'ont-ils pas aussi monté un groupe sur Facebook qui s'appelle... Tu l'as dit déjà ? Non, pas encore, non. Ah pardon. Ah oui. Les vaches qui rifilent. Ah oui, il y a les vaches qui rifilent sur Facebook. Si certaines d'entre vous sont intéressés par ce fromage dont il faut déballer l'alu avant de le manger. Voilà, c'est conseillé. Voilà. Eh bien, merci Antoine pour cette nouvelle fort bof. Bon. Oh.